sans savon. Je traînais dans la rue, je cherchais tout à maman. Je disais que j'étais du grand, je voulais faire comme les grands. Donc j'ai mis les gants, je me trouvais élégant. Et j'ai pas souri quand je pense aux soucis. J'ai volé pour manger, mais je suis pas à vie. Entre le bien et le mal, j'ai pas de calme à dire. Mais je voulais faire du bien et construire mon empire. Et je suis désolé si je t'ai manqué de respect. J'étais déboussolé, j'allais pas où j'allais. Pardon papa, maman, si trop souvent je suis tant. J'essaie de parler le mal, ouais puis mais ça me détend. Ouais je pense à l'avenir, comment ça va finir. Mes problèmes de cœur, poteau, jour en jour, ouais ça s'empire. Avec des mères, les soucis t'attirent. Que des sales embrouilles obligées, photos s'attirent. Tranquille, ouais, c'est mon détail. Yeah. Les rages, je les laisse sur la paille. Yeah. À l'heure où j'écris, ouais, je suis taille. Yeah. Laissez-nous faire nos pailles. Yeah. Tranquille, ouais, je fais mon détail. Yeah. Les rages, je les laisse sur la paille. Yeah. Je t'ai manqué de respect. Je me dis qu'à tout moment je me rends dans l'aliment. Tu peux être victime d'un décès. Maman, je suis désolé, je t'ai manqué de respect. Les années passées par commencer. J'ai dit qu'à ce mec, ceux qui m'ont jamais boycotté. C'est barreau, je suis barré. Je les laisse sur le carreau, ceux qui veulent me barrer. J'ai mis tarot, pas quand je veux t'arrêter. Qui colle pas haut, t'es pas préparé. Et toi, t'as pas idée comment je suis motivé. Oh non, poteau, j'ai fait que mitrailler. La tête sur les épaules, on esquivant les faux. Jamais découragé, jamais trouvé défaut. Arrête de manier, sinon on va travailler. Elle fait des manières, elle fait juste mon billet. Elle casse sur la bannière, ça date pas d'hier. Non, non, non, ça date pas d'hier. Tranquille, ouais, je fais mon détail.